depuis qu'on s'est vu. Je suis amoureux de toi depuis qu'on s'est vu. Je suis amoureux de toi. Et là, je pense encore plus à toi. Je suis un idiot, je suis un idiot, mais fou de toi. Je ne peux pas t'effacer de mes pensées.